confions son corps à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La société des vivants face à celle des morts. Ça, c'est le crâne, ça, c'est la colonne vertébrale. Là, on a les côtes, la scapula, ça, c'est probablement l'humérus. Ça, en tout cas, c'est l'ulna, ce qu'on appelle le cubitus, le métacarpe. Là, on a les os du bassin, ça, c'est du fémur. Ça, c'est du tibia. L'os, le mort est quand même le personnage principal de la tombe. Donc, l'os parle beaucoup, mais l'os ne pourrait pas parler tout seul. C'est vraiment quelque chose qui s'intègre dans une compréhension globale des structures et des dépôts funéraires, avec finalement la volonté d'essayer de faire une archéologie du rite. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Premier épisode de cette série, intitulons-le « La mémoire des corps ». Nous sommes en compagnie d'Henri Dudet, qu'on vient d'entendre il y a un instant. Bonjour Henri Dudet. Bonjour Jean Lebrun. Vous observez de très près les restes funéraires et vous essayez d'en induire toute une réflexion sur les gestes, les rites funéraires, et ceci depuis longtemps. Ici, je pense que vous étiez à Pompéi, où vous continuez d'œuvrer oui, depuis tout à fait, oui. Beaucoup d'années, oui, depuis 2003. Alors, vous êtes un pionnier en matière d'archéologie funéraire, on va retenir le titre de la discipline que vous avez contribué à fonder. On va le retenir comme ça, dans un premier temps. À 10 ans, dans l'Aude, on va reconnaître votre accent, oui. Si du moins vous acceptez de parler, vous avez trouvé une sépulture d'enfant dans un talus que venait de trancher un cantonnier du village. Oui, bon, il faut dire que je suis d'une famille d'enseignants de lettres classiques et de passionnés d'histoire et d'archéologie locale. Et donc, très tôt, mon grand-oncle, mes parents m'ont amené, prospecté. Mon oncle m'a initié à la connaissance des cimetières ruraux. Et un jour, en me promenant sur un cimetière rural, il y avait eu des travaux au bord de la route. Ce site s'appelait Saint-Jean de Rincianum, je m'en souviens encore, et une tombe avait été tranchée par l'action des cantonniers, et des os sortaient de la coupe, voilà. Et alors, comme vous aviez l'œil déjà, vous avez repéré une tombe d'enfant. Oui, enfin, je suis rentré à la maison familiale et j'ai simplement dit que j'avais vu une tombe et que les os étaient tout petits et que donc c'était probablement un enfant, voilà. Donc à 10 ans, papa, maman, j'ai vu une tombe, et puis disons à 17 ou 18 ans, papa, maman, je veux faire des études de médecine parce que je veux être archéologue. Logique, non ? Oui, logique, tout à fait. Tout à fait. D'abord, il faut savoir qu'il y a quand même eu beaucoup de médecins parmi les archéologues, mais ce désir de faire des études de médecine pour faire de l'archéologie et de l'archéologie de la mort vient en réalité du fait que j'ai fouillé avec Jean Guilaine, qui est un grand néolithicien. J'ai commencé à fouiller avec Jean Guilaine, qui m'a confié le dégagement d'une sépulture néolithique. Et j'ai été frappé, j'avais emprunté un petit Larousse illustré dans le village pour avoir des références anatomiques, évidemment. À ce moment-là, j'avais 14 ans. Et j'ai vu qu'il y avait une vertèbre de trop. Et j'ai demandé à Jean Guilaine, qui m'a dit « Oh, ça ne doit pas avoir beaucoup d'importance », en quoi il avait parfaitement raison. Mais je me suis dit que c'était quand même étrange qu'on puisse étudier des sépultures sans pour autant connaître le squelette humain. Et donc j'ai eu cette idée de faire des études de médecine pour faire de l'archéologie. Et alors, étudiant en médecine, vos réactions devant les cadavres, vous êtes dans l'esthétique du cadavre ? Non. Non, enfin l'esthétique, bon, j'ai beaucoup de goût pour le dessin, alors il y a toute l'esthétique anatomique, oui, qui est des traités d'anatomie, ça c'est tout à fait vrai. Mais c'est surtout dans la précision du geste. Pour moi, la fouille d'une sépulture et la dissection d'un cadavre sont deux activités qui sont finalement très, très similaires. Oui, d'accord, mais le corps qui fond, qui coule, qui dégouline. Tenez, une lecture que je vous propose, c'est extrait de L'Enfer, un roman de jeunesse d'Henri Barbusse dans une pension de famille, le narrateur, locataire, s'aperçoit qu'il y a une fissure avec qui permet de regarder dans la chambre d'en face. Dans la chambre d'en face, il y a évidemment des gens qui font l'amour, mais il a l'esprit ainsi tourné, le narrateur, qu'il imagine la décomposition des corps en pleine jouissance. Et moi aussi, on m'enterrera comme les autres, quoique cela puisse paraître étrange. Déjà, j'ai cette poussière qui vient sur moi tous les jours, dont je suis obligé de me laver, dont je me défends, dont je m'arrache. C'est l'ange sombre de la terre. J'ai ouvert un livre que j'ai là, je me plonge dans le détail, j'y apprends ce qui m'attend, moi. De petites mouches, les curtonèvres, hantent le corps quelques instants avant la mort. Je les entendrai. À peine la vie a-t-elle cessé que d'autres mouches affluent. Dès que le pauvre souffle de corruption devient sensible, d'autres encore. La mouche bleue, la mouche verte, chaque jour, dit Ménien, les larves de la mouche bleue augmentent de 200 fois leur poids. La peau du cadavre est alors d'un jaune tirant légèrement sur le rose. Le ventre est vert clair, le dos vert sombre. Ou du moins, telles en seraient les teintes si cela ne se passait pas dans l'ombre. C'est la fermentation butyrique qui produit des acides gras dénommés vulgairement gras de cadavre. Les larves des dermestes et les chenilles des aglossas présentent cette particularité qu'elles peuvent vivre dans la matière grasse qui se moule comme du suif au fond des bières. Quelques-unes de ces matières cristalliseront et luiront comme des paillettes plus tard dans la poussière définitive. Cette sorte de terreau brun, granuleux, qui poudre la pierre humaine et qu'on croirait être le dernier résidu des chairs, c'est l'accumulation des carapaces, des pupes, des chrysalides et des excréments des générations d'insectes dévorateurs. Alors on peut ne pas partager le plaisir qu'a pris Franck Olivard à cette lecture de Barbusse, mais il n'en reste pas moins, Henri Dudek, admettons que la mort ce soit le non-être, le cadavre c'est un être. Oui, tout à fait. C'est un être, et c'est même un être biologique avec d'autres êtres biologiques qui s'activent sur la dépouille. Et d'ailleurs, en médecine légale, on parle des escouades consécutives des travailleurs de la mort qui sont tous ces insectes qui se succèdent sur le cadavre. C'est ce texte que je vous remercie de m'avoir fait découvrir parce que je ne le connaissais pas. Mais c'est à parler de deux choses. La première, effectivement, dans ce que j'ai pu essayer de faire, c'est d'apprendre aux archéologues qu'avant d'être un squelette, le mort a été un cadavre. Et que à l'intérieur de la tombe, dans le cas de sépulture primaire, il s'opère une transformation, ce que les anglo-saxons appellent une squelettisation. Nous n'avons pas ce mot en français, pourtant il serait très commode. Une squelettisation et qui se déroule avec diverses étapes. Étape dont on peut trouver les traces à l'intérieur de la sépulture. Et ça nous renseigne sur le micro-milieu, je dirais presque architectural, de la tombe pendant que le corps se décomposait à l'intérieur. Et l'autre aspect, rapidement, c'est qu'il existe maintenant une discipline dans l'archéologie qui est l'archéo-entomologie. Tout le monde connaît l'appel aux entomologistes dans le cadre des enquêtes criminelles. Eh bien, il y a des chercheurs, par exemple dans notre laboratoire, il y a un chercheur qui s'appelle Jean-Bernard Huchet, qui travaille spécifiquement sur l'archéo-entomologie et qui arrive comme ça à montrer qu'un corps, par exemple, a pu être exposé pendant un certain temps, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, avant d'être placé dans la tombe définitive. Votre laboratoire qui est à Bordeaux. À Bordeaux. Enfin, la squelettisation, c'est quand même plus porteur pour faire la publicité de votre discipline, l'archéologie funéraire, qui se fonde sur l'idée qu'il faut observer le squelette, que le squelette est une personne, que l'os est un personnage principal et pas seulement le mobilier funéraire. Parmi les tout premiers qui ont fondé cette démarche, il faut évidemment citer le roi Gourand, qui a travaillé dans la Marne, au Mournoir, et ensuite sur le site de Pincevent. C'est là qu'il est saisi, en 1970. Nous avons un corps qui est resté exactement dans la position où il avait été inhumé. Et vous voyez ces deux petites perles de bronze qui identifient et datent la sépulture. J'ai remarqué que la denture était parfaite. Il lui manque tout de même une prémolaire ici et une molaire ici, qui était tombée de son vivant. C'est un homme d'une trentaine d'années. Mais L'âge du bronze, ça fait quoi, 4000 ans ? Contemporain de l'histoire égyptienne, contemporain d'Abraham, par exemple. On n'a rien retrouvé, pas de, à côté de lui, pas de, d'objet qui... Eh bien non, c'est le sable ne contenait rien d'autre. Il faut arriver à reconstituer au bout du grattoir, avec des instruments de dentiste ou de chirurgien, l'état du sol au moment de son abandon, ce qui représente un travail excessivement long et précis. Et puis ensuite, il y a toute la partie enregistrement. Alors nous avons des méthodes d'enregistrement qui nous sont propres et qui consistent à prendre des plans agrandis de chaque mètre carré et à reporter, lorsque toutes les opérations sont terminées, à reporter les vestiges un par un sur la photo. C'est ce que fait cette jeune femme. En les numérotant, c'est ce que fait cette jeune femme. Alors, le roi Gouran est au départ d'une longue lignée avec son disciple Claude Massé, que vous avez bien connu, avec vous-même, Henri Dudek, qui peut examiner et le sol et l'os. Oui, et le sol et l'os, mais aussi les relations réciproques entre les os, s'il y a un seul individu, entre les os du même individu, et éventuellement entre les os de plusieurs individus si la tombe en contient plusieurs. Et c'est très important parce que André Leroy Gourand disait le squelette est dans la position, je ne sais plus le terme qu'il employait, mais est dans la position qui correspond à la position qui a été donnée au corps au moment de l'inhumation. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que au cours de la décomposition, les parties molles disparaissent, les viscères, les muscles, la graisse, etc., puis les ligaments. Et à partir de ce moment-là, les os deviennent des pièces indépendantes qui sont susceptibles de se déplacer sous l'action de la pesanteur. Et c'est cette action de la pesanteur que nous essayons de décrypter pour mieux restituer l'aspect architectural de la tombe. Savoir s'il y avait un vide autour du corps, donc une caisse en quelque sorte, ou une architecture, ou si d'emblée le corps a été placé en pleine terre. Lorsqu'il y a plusieurs individus, ben, on le comprend tout de suite. La question essentielle est de connaître la chronologie relative des apports. Est-ce que les corps ont été déposés simultanément ? S'ils sont assez nombreux, c'est le cas d'une crise brutale de mortalité, dont il faudra à ce moment-là déterminer la nature, ou donc simultanément, ou au contraire, les corps ont-ils été apportés de façon échelonnée dans le temps, et à ce moment-là, l'introduction d'un nouveau corps peut induire des perturbations dans l'agencement des os du squelette qui était déjà en place. Le repérage des anomalies, des conséquences des épidémies, ça fait partie de votre travail aussi. Non. Des anomalies. Des anomalies, encore une fois, quant au temps de l'apport des corps, oui. Le fait qu'une population ait à gérer un grand nombre de cadavres de manière simultanée, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. On peut considérer que c'est une anomalie. Mais sinon, il faut savoir que les grandes épidémies font mourir les gens avant qu'on ne puisse détecter des lésions au niveau du squelette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic paléopathologique de la cause, du germe en cause. Ça a été complètement renouvelé grâce à l'introduction de la paléogénomique, c'est-à-dire de l'ADN ancien. Maintenant, on arrive, dans les cas de sépultures correspondant à des crises brutales de mortalité, on arrive parfois à isoler l'ADN, par exemple, de Yersinia pestis, le bacille de la peste. Vous parlez de la peste sous Justinien, 5e, 6e siècle, on a parlé d'une peste. Est-ce que c'est vraiment une peste ? On va le savoir grâce aux techniques aujourd'hui qui identifient l'ADN. Peut-être était-ce un autre bacille que celui de la peste. Alors, je crois savoir que déjà, des études médico-historiques avaient conclu assez nettement en faveur de la peste. Mais maintenant, on a un certain nombre de sépultures qu'on appelle les sépultures multiples, avec donc dépôt simultané d'un nombre assez important d'individus, dans lesquels, datés du 5e, à peu près, 5e siècle de notre ère, dans lesquels il a été possible d'isoler l'ADN de Yersinia pestis, du bacille de la peste. Donc là, on a une confirmation certaine. Bon, c'est impressionnant, toutes les découvertes de l'archéothanatologie. On va insérer maintenant ce nouveau mot. Heureusement, il y a le bon sens populaire qui veut pas croire à tout ça. Alors, vous n'aviez jamais entendu l'extrait de l'enfer, mais vous avez souvent entendu Serge Reggiani qui met oui. en doute vos capacités. Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord, on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser. Mâchoire et temporale, du jour au lendemain, je devins une vedette. Journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin, les scientifiques, suivant coutumes et us, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé pité contre Robus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a plus de retombées. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Henri Dudet, aujourd'hui, la mémoire des corps, nous sommes au début d'une série consacrée à la société des vivants, telle qu'elle envisage la société des morts. Parce que ce qui vous intéresse, c'est pas seulement l'analyse des corps, mais ce sont les gestes funéraires qui les accompagnent. Quand ils sont mis en sépulture, on a une définition de la sépulture ? Et une datation des premières sépultures. Alors, les premières sépultures, bon, vous vous doutez qu'il y a beaucoup de discussions. Il est avéré, alors là, de manière certaine, bon, c'est un pléonasme, il est avéré que on a des sépultures au Proche-Orient à un peu plus de 100 000 ans. Disons 120, 150 000 ans. On a 3 sites. Pour lesquels il n'y a aucun doute. Il y a maintenant des discussions à propos d'une découverte en Afrique du Sud, dans une grotte, mais il s'agit d'une accumulation de restes humains sans trace de gestes particuliers, et la lecture est quand même beaucoup plus difficile. En tout cas, le fait sépulcral est avéré il y a à peu près 150 000 ans, ce qui est déjà tout à fait considérable. La définition de la sépulture, c'est plus compliqué. Je dirais, vous avez la définition de la tombe. Et la tombe, c'est une structure architecturée qui a deux fonctions. De recevoir les restes matériels du défunt, tout ou partie du cadavre, du squelette, etc., selon les gestes en vigueur dans la société. Ça, c'est la partie sépulture, celle qui contient les restes du défunt. Et puis, la tombe a l'autre fonction, qui est de servir de point d'ancrage aux gestes commémoratifs, aux cultes du souvenir, aux visites, aux libations, etc. Toutes ces cérémonies. Vous parliez de la relation des vivants aux morts. Il est évident que toutes ces cérémonies commémoratives ne concernent que les vivants, même si elles sont tournées vers le défunt. Et même dans la sépulture, le personnage principal, c'est le mort, mais les acteurs, ce sont les survivants, ce sont les proches. Mais quand il y a des funérailles, il y a nécessairement sépulture. Quand c'est sûr, ça s'accompagne. Non, on peut avoir des gestes funéraires. L'ethnologie a fait connaître des gestes qui sont réellement des gestes funéraires, des gestes qui sont tournés de façon positive vers le défunt, mais qui aboutissent finalement à l'abandon du corps. Tout le monde connaît les tours du silence en Inde, etc., où les corps sont abandonnés. Mais quand il y a sépulture, c'est qu'il y a eu des funérailles, en revanche. Oui, je pense que oui, puisque pour moi, les funérailles, ce sont des cérémonies au cours desquelles il y a la gestion matérielle, en quelque sorte, la gestion directe des restes matériels du défunt, donc de son cadavre ou de ce qui reste du cadavre. Sépulture individuelle, sépulture collective. Le cas que vous documentez ici, dans une archive de 1982. Ouf. C'est vous-même qui parlez. Concerne le Languedoc. Un dolmen du Languedoc et donc une sépulture collective. Henri Dudet, nous sommes là devant un dolmen. Comment l'avez-vous découvert ? Eh bien, très simplement, c'est-à-dire qu'il y avait cette dalle qui émergeait du sol. Vous voyez d'ailleurs qu'elle est encore couverte de lichen. Et toute cette zone était couverte de gros galets comparables à celui-ci. Il y en avait environ une centaine. Et quelques ossements humains avaient été mis au jour par les lapins qui avaient creusé. Quand vous avez enlevé les galets, vous avez trouvé cette couche ? Oui, immédiatement, au contact des galets, nous avons trouvé cet énorme tapis d'ossements humains qui couvre une surface d'environ 8 à 10 mètres carrés. C'est vraiment l'exemple même de la tombe collective. Mais est-ce que vous pouvez deviner ou comprendre quels étaient les rites funéraires ? Disons, c'est ce que nous essayons de déterminer à partir de la fouille. Alors, quand c'est dans l'Aude surtout, son département natal, tout est simple pour Henri Dudet. À 10 ans, il a trouvé une sépulture d'enfant dans un talus, là, un dolmen, et trois galets qui étaient passés. Oui, mais alors, comment comprenez-vous les rites après ? Comment on induit de ce travail d'archéologie funéraire une réflexion sur les gestes funéraires ? Alors, je préfère que vous parliez de gestes plutôt que de rites. Ce que l'archéologue est capable de restituer, ce sont des gestes, des successions de gestes. Nous sommes capables de savoir dans quel état se trouvait le corps, dans quel degré de décomposition il était arrivé, etc., au moment où des hommes ont pu réintervenir pour ranger des os, pour déplacer des os, à l'occasion, par exemple, de l'apport d'un nouveau cadavre, etc. Donc, nous décryptons d'une manière de plus en plus précise une succession de gestes. Ça, c'est ce que j'appellerais les pratiques, les gestes. Pour passer des pratiques aux rites, il faudrait être capable d'insuffler dans la connaissance la pensée religieuse qui a sous-tendu les gestes que nous observons. Et ça, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe lorsque nous travaillons sur des périodes, si je peux dire, sans histoire, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas laissé de texte. Grosso modo, la préhistoire, et aussi pour une large part ce qu'on appelle la proto-histoire, puisque nous avons très peu de textes et qui proviennent d'autres sociétés. Pour les temps historiques, évidemment, nous pouvons projeter sur nos découvertes l'éclairage que donnent les autres sources, et notamment tous les textes historiques. Il serait impensable de faire de l'archéologie funéraire romaine sans travailler avec un spécialiste des textes romains. Moi, je sais que j'ai travaillé, par exemple, avec John Scheid, qui était professeur au Collège de France, ou Willem van Lendringa, avec qui nous collaborons à Pompéi, qui sont à la fois historiens des textes, des rites, et en même temps archéologues, si vous voulez. Là, nous partageons. Donc, accéder au rite, c'est être capable non seulement de savoir les gestes qu'ils ont mis en œuvre, mais la raison pour laquelle ils ont fait telle ou telle chose. Et ça, c'est extrêmement compliqué. J'ouvre une parenthèse, vous parlez de John Scheid, des rites romains, à partir du néolithique, pendant l'âge du bronze, beaucoup plus, à l'époque romaine, encore davantage, la crémation jouait un rôle important. Ça vous laisse complètement désarmé, la crémation, comme un spécialiste des correspondances littéraires à l'heure du net, quoi. Alors, non, heureusement, non. Vous savez qu'on emploie aujourd'hui le mot crémation, ça veut dire... Il faudrait dire incinération. Non, au contraire. Ah. Parce que incinération, c'est le vieux terme qu'on employait, qui est complètement récusé aujourd'hui par les adeptes de ce traitement du cadavre dans nos sociétés actuelles à cause des incinérateurs d'ordures ménagères. Ils ne supportent pas la comparaison entre les corps de leurs proches et les ordures ménagères. Parce que les crématistes ont une devise, la flamme purificatrice. La flamme purificatrice. Et alors là, bon, je laisse le... je laisse la responsabilité de cette interprétation. Mais dans la crémation, il faut bien savoir que même dans des crémations à haute température, comme on les pratique dans le crématorium actuel, ce qui sort de la chambre de crématorium, ce sont des os, et des os encore, des fragments, mais très volumineux. Et ce que les gens ne veulent pas savoir, c'est qu'ensuite on les passe aux concasseurs, pour remettre aux familles des squelettes réduits en petites particules. Ce geste n'était pas pratiqué dans la plupart des populations anciennes. Il a parfois été pratiqué, mais ce qui veut dire que, en fait, nous avons des os sans passage à la moulinette. Voilà, exactement. Nous avons des os qui nous permettent d'analyser très en détail les gestes. C'est ce que nous cherchons à Pompéi, notamment. À partir du déclin de l'Empire romain, l'inhumation l'emporte. Nous sommes ici à l'époque mérovingienne sous Saint-Martin-des-Champs, le CNAM, le Conservatoire National des Armes et Métiers à Paris, une église mérovingienne fouillée notamment par Dominique Ferriot en 1993. Et elle va de surprise en surprise parce qu'elle constate que les tombes sont réutilisées. On a une sépulture qui est coupée par une autre, et puis on n'hésite pas à enlever les os pour en mettre d'autres, et puis on retrouve les os du squelette avant dans le remblai. Enfin, c'est assez étrange, au fond. On peut se poser la question de ce respect, au fond, la manière dont ils concevaient, au fond, le repos éternel, hein, parce que le rituel, etc., semble qu'il y ait une importance au niveau de l'inhumation. Et puis, combien de temps ça dure, on ne sait pas, parce qu'après, c'est plus grave, au fond, l'arme est partie, alors on enlève les os. C'est quand même assez étrange. Alors que nous avons, nous, un respect presque pieux, justement, en fouillant les squelettes, parce que, bon, enfin, moi, je sais que je fouille des personnes, hein, et je suis consciente qu'ils ont été enterrés là. Parfois, ils ont payé très cher pour avoir le repos éternel que nous venons déranger si allègrement. Ils sont remanipulés, peut-être avec respect et piété. Alors, il y a deux choses. Dans ce qui était évoqué, il y a des tombes qui sont recoupées. C'est-à-dire que si elles sont recoupées, c'est qu'elles ne sont plus signalées. Que le souvenir de l'emplacement même d'une tombe préalable a été perdu, et c'est d'ailleurs une information sur le temps de la mémoire en quelque sorte. Mais on peut dire qu'effectivement la tombe a été oubliée. En revanche, il y a assez souvent la volonté d'introduire un nouveau défunt dans la tombe d'un défunt précédent, mais ça peut être un geste extrêmement respectueux. Les règles qui président au regroupement des défunts dans une sépulture, dans un sarcophage, dans un caveau, etc., méritent d'être explorées, et là encore, l'ADN peut nous aider à explorer les relations de parenté qui peuvent exister entre les différents individus. La mémoire des morts et des corps, c'est notre thème. Et le geste commémoratif, combien de temps dure-t-il ? Il est très variable. Par exemple, nous citions John Scheid à Classe, qui est un port romain, un port militaire romain. John Scheid a montré que, et toute l'équipe qui travaillait avec nous, nous avons montré que le temps de la mémoire durait, mais peut-être 2, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Mais on est dans une population de garnison militaire, et il se peut qu'il y a un défunt, on fait une tombe, mais 2 ans après, peut-être que toute la famille est partie à l'autre bout de l'Empire romain. Si vous êtes dans une société rurale ancrée dans le territoire, la mémoire des défunts qui se trouvent à tel ou tel emplacement dans le cimetière du village est beaucoup plus longue. Ça aussi, ça fait partie de la recherche en archéologie funéraire. Merci de nous y avoir initiés, Henri Dudet. Vous avez formé ainsi des dizaines et des dizaines de spécialistes à travers votre enseignement oral. À propos d'enseignement oral, va nous accompagner toute la semaine le grand maître Vladimir Yankelevitch, dont les cours tenaient sur une carte à jouer. Les hommes meurent, toujours dans le même sens, et personne ne sait rien. N'est-il rien de plus irritant, n'est-ce pas ? Les hommes meurent à côté de vous, dans la rue, partout, par milliers, mais toujours dans le même sens, et pas un pour revenir, pas un pour nous dire quelque chose, et même ceux qui paraissent revenir n'y sont jamais allés. Le prochain épisode, je pense qu'on y entendra Yankelevitch de nouveau, sera consacré à un grand genre littéraire. L'oraison funèbre. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, à la technique Juliette Gou et Anne-Laure Cochet, pardon, à la technique, et à tout seigneur, tout honneur, Juliette Gou à la réalisation. Dans un instant, Fabrice Drouel qui reviendra sur une affaire d'État, l'affaire Elf.